jamais tu m'aimes, je vais demander 3 jours de congé et on se marie. On vivra tranquille, c'est pas difficile, suffira de faire des économies. On fera un enfant de kilos seulement, avec une timbale à ses initiales. Il ira très loin, ce sera un génie, suffira de faire des économies. Et toi et moi, on vivra la vie qu'on voudra. On s'endormira le soir de bonheur, les bras dans les bras. Et toi et moi, pas besoin d'aller chercher le bonheur plus loin.